Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin et bienvenue à Econophile. Connaissez-vous l'effet Dunning-Kruger? Vous devriez. Parce que vous connaissez du monde bien en vue qui en sont de dignes représentants. Ils sont porteurs. Alors, lisons Wikipédia. L'effet Dunning-Kruger ou effet de surconfiance est un biais cognitif selon lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences. Déjà, j'ai des noms, là. Dunning et Kruger attribuent ce biais à une difficulté métacognitive des personnes non qualifiées qui les empêche de reconnaître exactement leur incompétence et d'évaluer leur réelle capacité. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas penser à propos de leur pensée. Cette étude suggère aussi les effets corollaires. Les personnes les plus qualifiées auraient tendance à sous-estimer leur niveau de compétence et penseraient à tort que des tâches faciles pour elles le sont aussi pour les autres. Là aussi, j'ai des noms. Ce phénomène a été démontré au travers d'une série d'expériences dirigées par David Dunning et Justin Kruger, pas Bieber, mais Kruger. Leurs résultats furent publiés en décembre 1999 dans la revue Journal of Personality and Social Psychology. C'est fascinant, hein, quand même. Dunning et Kruger ont noté que plusieurs études antérieures tendaient à suggérer que dans des compétences aussi diverses que la compréhension de texte, la conduite d'un véhicule, les échecs ou le tennis, l'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. Leur hypothèse fut qu'en observant une compétence présente en chacun à divers degrés, la personne incompétente tend à surestimer son niveau de compétence. La personne incompétente ne parvient pas à reconnaître la compétence de ceux qui la possèdent véritablement. La personne incompétente ne parvient pas à se rendre compte de son degré d'incompétence. Si une formation de ces personnes mène à une amélioration significative de leurs compétences, elles pourront alors reconnaître et accepter leurs lacunes antérieures. De toute beauté. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. N'est-ce pas? Ça, c'est Aristote. Et Coluche, lui, qui reprenait Descartes, disait « L'intelligence est la chose la mieux répartie chez les hommes, parce que, quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge. » Dans l'article, on reprend aussi la citation originale de René Descartes, et je vais vous la lire parce qu'elle est fascinante. « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. » Car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. En quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent, mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. Et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses. Voilà. Donc maintenant, vous savez tous ce que c'est que l'effet Dunning-Kruger. Vous ne l'oublierez plus jamais. L'effet Dunning-Kruger. Moi, j'ai des noms en tête. J'ai des noms. Bienvenue à Econophile. « Vous voulez nous retrouver sur Internet, les réseaux sociaux, sur le blog, on est là, allez aimer la page Facebook pour nous suivre, c'est facebook.com/econophile891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons, il y a le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook ou encore, ben, econophile.net, vous y arrivez directement. Econophile.net pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. Et puis, ben, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès à une ou deux dernières émissions. Ça dépend, c'est variable, je comprends plus rien. Ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section émissions. Jean-Claude Cloutier, bonjour. Bonjour, David Lemelin. Écoute, on a commencé ça fort, vraiment fort. Maintenant, cette semaine, je suis vraiment très heureux qu'on aborde cet homme remarquable, cet économiste remarquable, Karl Polanyi. Oui, Karl Polanyi qui est vraiment, qui fait un peu bande à part chez les économistes. Surtout de l'époque où il était, hein, je veux dire. Ben oui, quoi qu'on pourra y revenir tantôt, il y avait d'autres pointures fortes, puis il était quand même, à mon avis, à peu près de la même pointure que des gens comme Keynes ou Hayek, qui est toujours le pape là, du néolibéralisme. moi, je pense qu'il est intéressant chez Polanyi, c'est qu'il a fait une critique très profonde et surtout très perspicace des effets de l'économie de marché sur les individus, sur la société et sur la démocratie. Et je pense, moi, ça me frappe depuis quelques temps. On le cite beaucoup, on le recite de plus en plus. C'est un prophète pour les temps actuels, notamment pour les impacts, les conflits entre la démocratie et le capitalisme. En tout cas, il aurait été fort déçu. En tout cas, on va vous le présenter en long et en large, cet homme remarquable. Pour le faire, outre les discussions que nous aurons ensemble, ben moi, pour parler de la pensée de Polanyi, je me suis entretenu avec le philosophe et professeur de l'Université Saint-Paul, Jonathan Durand-Folco. D'ailleurs récemment récompensé pour son excellent livre « À nous la ville » que j'ai lu. Il connaît bien Polanyi. On a eu une passionnante conversation qu'on écoutera tout au cours de l'émission. Et puis, question de la semaine, Jean-Claude. Oui, ben c'est à quel rang le Canada, occupe-t-il parmi les pays développés pour ce qui est de la part de l'investissement privé dans l'économie, donc dans le PIB? Autrement dit, est-ce qu'au Canada, l'investissement privé est plus fort que dans les autres pays développés? Alors, réponse en fin d'émission. L'international, rien de moins. Écoute, je voulais aller à contrario du message qu'on dépeignait tantôt. Jean-Claude, donc si on commençait tout de suite à parler de Polanyi, moi je tiens à dire d'abord, je me suis tapé évidemment la lecture de La Grande Transformation, j'ai fini par passer au travers, et ça, je le dirai à la fin de la saison, quand on fera peut-être des recommandations de lecture pour l'été, là, mais ça fait partie de ces quelques livres que je n'oublierai jamais. Oui, c'est un livre qui est peut-être un petit peu exigeant parce qu'il y a un livre assez sérieux, mais pour un livre d'économiste, il y a quand même une grande qualité, c'est qu'il n'y a aucune équation dedans, puis je pense à peu près aucun chiffre. C'est vraiment un livre littéraire, finalement. Ça a créé même des problèmes pour Polanyi lui-même parce qu'il n'était pas vraiment reconnu par la communauté des économistes. On dit « Ah, oh, ben oui, mais lui, il n'y a pas de chiffre. » C'est un sociologue, c'est un historien, c'est un anthropologue, mais il n'était pas vraiment pris au sérieux parce que, dans le fond, il était dans la grande tradition de l'économie politique, c'est-à-dire que l'économie, ça sert à quoi? Est-ce que ça peut nous guider dans les choix politiques, dans les orientations, comment gouverner la société, des choses comme ça, plutôt qu'être obsédé par la croissance ou différentes variables, disons différents chiffres. Ouais. Lui, c'était plus à quoi ça sert tout ça? C'est quoi le sens, finalement, des processus économiques? Si on faisait quand même quelques notes biographiques de cet homme-là, parce que Polanyi, peut-être certains n'ont jamais entendu son nom, d'autres ont dit oui, ça me dit quelque chose. Alors, qui est-il? Il est né, c'est un Hongrois. Oui, bien, t'as dit, il est né en Autriche, mais il a vécu à Budapest, donc en Hongrie quand même, pendant une bonne partie de sa jeunesse. Puis, c'est le fun que tu fasses jouer tantôt l'international, parce que c'est très important dans la vie de Polanyi, parce que lui, quand il était jeune homme, en fait, dans les premières années de sa carrière, pendant peut-être les 15 années de sa carrière où il était à Vienne, dans les années 20, Vienne était une ville, on disait une ville rouge, parce que la ville était pratiquement aux mains des syndicats. C'est une ville qui était pratiquement communiste. Il y avait bien des biens qui étaient gratuits. Oui, le socialisme était fort. Là. Puis ça fonctionnait. Ouais. Le pire, c'est que ça fonctionnait, mais sauf que les fascistes, un moment donné, en Allemagne et en Autriche, sont arrivés au pouvoir. Puis là, Polanyi, les circonstances étaient moins favorables pour lui. Il a dû émigrer au Royaume-Uni. Et c'est là qu'il a commencé une carrière d'universitaire, mais qui était mal reconnue parce que il n'y a pas de diplôme en économique, même s'il s'intéressait beaucoup à ça. Donc, ça l'a forcé plus à se préoccuper de l'histoire de l'économie, notamment de l'histoire du capitalisme au Royaume-Uni, ce qui a eu permis d'écrire le livre là, La Grande Transformation et de le publier quelques années plus tard. Par la suite, peut-être parce qu'il n'était pas reconnu par ses pairs, il a dû émigrer aux États-Unis après la guerre pendant la guerre en 1944-1945, dans ces années-là. Puis après ça, il a émigré même au... parce qu'encore là, à Columbia, c'était la chasse aux sorcières. Et lui, et surtout sa femme, qui était réputée communiste, avait un passé communiste, il était mal accepté aux États-Unis. Donc, il a dû émigrer au Canada, je ne sais pas si on doit dire le chanceux ou le malchanceux, mais en tout cas, il était dans la région de Toronto. Et j'en profite pour dire que moi, ça m'a toujours frappé, puis c'est très peu... Les gens le connaissent, mais très peu de gens savent ça, mais il y a un institut d'économie politique, Cal Polanyi, à l'Université Concordia à Montréal. Mm. Et j'ajoute aussi, parce que j'ai déjà lu ses livres, Carrie Leavitt, sa fille, qui a maintenant 95 ans, était une professeure d'économie à l'Université McGill à Montréal. Donc, c'est dans la famille, vraiment. Oui. On voit sa fille dans le documentaire aussi, un documentaire qu'on voit sur l'économie où on parle de Cal Polanyi, on interroge sa fille qui revient sur les lieux où ils ont vécu. C'est assez touchant ce boulot. Oui, parce que sa dépouille a été retournée en Autriche, à Vienne. Il est enterré à Vienne et sa fille, effectivement, là, sa fille, Carrie Leavitt, mariée à M. Leavitt, s'est donné la mission finalement de ranimer d'entretenir sa mémoire, de s'occuper finalement de mémoire, de maintenir vivantes les enseignements de Polanyi. Alors, je te propose d'écouter tout de suite Jonathan Durand-Folco qui nous presse un peu le portrait, le tableau de la pensée vraiment de Carl Polanyi. Qui est-il, cet homme-là? Donc, je vous propose d'écouter ceci tout de suite. C'est un auteur assez important qui n'est pas étudié tant dans les départements d'économie, dans les sciences de la gestion. On présente souvent la pensée d'Adam Smith, des grands économistes anglais contemporains. Et pour ce qui est de Carl Polanyi lui-même, c'est un auteur qui est plus connu dans les travaux de sociologie, de sciences humaines sociales, d'anthropologie, parce qu'il a une approche assez comparative, qui se limite pas juste à des modèles abstraits, à des calculs économiques entre individus. Il essaie vraiment d'aborder l'économie dans une perspective comme une forme de construction sociale qui a une longue histoire, qui essaie de voir comment est-ce que notre économie, notre vision de l'économie a évolué à travers le temps. C'est un économiste qui est important dans la première moitié du 20e siècle. Et puis, on l'a oublié, puis là, depuis environ 10 ans, c'est un auteur qu'on se remet à lire beaucoup avec les enjeux qui se déroulent actuellement avec la crise financière et ainsi de suite. Oui, parce qu'il a été oublié probablement en partie parce qu'il était à une époque où on avait l'impression que le mot économiste rimait avec colonne de chiffres, avec des statistiques, avec des formules mathématiques poussées, alors que lui, il avait décidé ou il considérait... que l'économie n'était pas ça. C'était surtout pas ça. Pour lui, en fait, l'économie, il va distinguer même dans de différents articles deux sens de l'économie. D'un côté, il va dire qu'il y a un sens de l'économie qui est plus formel ou abstrait. Il va dire qu'une conception, en fait, qui est une forme de calcul optimal pour allouer des ressources rares. Donc, c'est régi par les principes de rareté, d'utilité, de maximisation des rendements d'utilité. Donc, une conception un peu plus abstraite qui est beaucoup utilisée de nos jours en termes d'économie pour voir les entreprises, eux, essaient de maximiser leurs profits d'un côté. On parle beaucoup d'économie de marché également, comment ça peut s'auto-réguler. Mais lui, ce qu'il va dire, c'est que même ce qu'on considère comme étant le marché, les échanges qui se déroulent entre des individus, des entreprises, mais ça fait partie de la société, c'est en quelque sorte encastré dans des normes, des lois, des coutumes, et il parle d'économie en fait comme un procès social institutionnalisé, un genre de procès d'échange, de consommation, de production, de façon d'habiter le monde, de prélever différentes ressources et de subvenir aux besoins de l'humain. Donc, il parle entre autres de l'économie comme une forme de subsistance de l'homme qui est ancrée dans le territoire, l'environnement. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus, je dirais, relationnel et ancré dans la société. Et de nos jours, on considère plutôt l'économie comme une forme de sphère indépendante et séparée du reste de la société. Donc, c'est une chose qu'il va critiquer dans son œuvre. D'ailleurs, quand on le lit, bon, il y a des bouts où ça peut être plus abstrait, mais il y a bien des moments, quand on lit Polanyi, où on sent que c'est quelqu'un qui est même, je dirais, révolté. Il a l'air hautement insatisfait de ce qu'on présente, entre autres que le marché, finalement, c'est ça qui mène tout. Le marché, tout est une marchandise, dans le fond, et ça, il le décrit. Oui, en fait, ce que lui essaie de montrer, c'est que ce qu'on considère comme aujourd'hui, le marché, disons avec un grand M, c'est quelque chose d'assez nouveau dans notre histoire qui est vraiment apparu au 19e siècle. Avant, il existait en quelque sorte ces formes d'institutions-là comme des marchés publics, il y avait des marchés, des formes d'échange d'argent, de monnaie dans différentes sociétés à travers l'histoire. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on va souvent confondre les petits marchés publics dans les villages comme étant quelque chose qui est beaucoup plus petit puis qui s'est progressivement généralisé par la suite, alors qu'il dit que c'est deux choses qui sont assez différentes. D'une part, il y a le marché qui a existé dans l'histoire, mais au 19e siècle, on s'est mis à considérer ça comme une forme de sphère autonome, une forme de sphère autorégulée, indépendante des humains. Puis, on s'est mis en quelque sorte à croire que ça, c'était la seule forme d'échange possible qu'on pouvait avoir, alors qu'avant, il y avait d'autres formes d'interaction entre les gens au niveau de l'économie. Il y avait par exemple des principes de redistribution, il y avait des principes de réciprocité, de don contre don. Et puis, le marché, lui, c'était une des formes parmi d'autres d'un système beaucoup plus complexe. Et là, ce qui est arrivé ensuite avec la naissance de l'économie marché capitaliste, c'est que là, c'est devenu en quelque sorte un grand processus, une forme de rouleau compresseur qui est mis à prendre toute la place et qui s'est mis à marchandiser le travail, la terre, la monnaie elle-même, et ce qu'on peut voir aujourd'hui avec la spéculation financière, ça s'est en quelque sorte autonomisé, c'est devenu indépendant des humains comme un gros processus, et c'est ça qui est un gros problème. Et lui, il est assez critique parce qu'il voit que ça conduit à des crises environnementales, à des injustices, des inégalités sociales, et ça amène beaucoup de problèmes. Il va très loin même en disant, finalement, si on résume un peu, lui, il constate que c'est un peu une prise d'otage. Hein. Je pense qu'il dit, on veut nous faire croire ça comme si c'était la vérité absolue, alors que c'est pas le cas, puis l'histoire nous le démontre en plus. Oui, c'est ça. Ce qu'il dit, en fait, c'est qu'avant, l'économie était encastrée dans la société, c'est-à-dire qu'elle était en quelque sorte intégrée dans des règles, des institutions, des normes, des façons de fonctionner. Et là, aujourd'hui, on a assisté à une forme de renversement. C'est plutôt la société qui est dans l'économie, qui est dans le marché, qui est subordonnée, en quelque sorte, à cette cage de fer qu'est l'économie de marché, qui est prétendument autorégulée. Donc, c'est comme une grosse cage de fer qui va imposer, en quelque sorte, des processus de marchandisation sur l'ensemble des interactions humaines, sociales, et des choses qui faisaient pas partie de l'économie de marché avant vont progressivement devenir intégrées de plus en plus dans ça. Ça peut aller au niveau des relations interpersonnelles amoureuses, ça peut être au niveau, disons là, de plus en plus on peut voir avec les émissions de gaz à effet de serre qui deviennent objet de spéculation également. Ça peut être au niveau des gènes. Il y a tout un processus, en fait, qui fait que ce qui appartenait à l'humain avant la société, la nature, ça devient progressivement des composantes d'une économie de marché, des marchandises, et c'est ça qui est en quelque sorte le problème. C'est pas l'économie comme telle, ni le marché en lui-même, c'est plutôt le fait qu'il prend toute la place et qu'il vient en quelque sorte imposer ses façons de faire à l'ensemble de la société. Ouais. Jean-Claude, disons que faut bien se mettre ça en tête. Hein. Karl Polanyi écrivait ça avant, en tout cas dans le cas, c'est 1944. Là. Donc, il y a déjà fort longtemps, 75 ans. Puis, il se méfiait de l'emprise du marché. C'est exactement ce qui s'est produit. On était encastrés, là. Ben oui, c'est ça. Encastré, ouais, c'est un mot assez particulier. En fait, ma compréhension, c'est tout simplement que ce que Polanyi a dit, dans le fond, c'est qu'à partir un peu de la révolution industrielle, mais surtout pas tellement la révolution industrielle autant que le capitalisme, c'est-à-dire l'économie de marché, c'est-à-dire la prépondérance du marché, ce qui démontre assez bien, je pense, dans son livre, puis M. Folco le rappelle, c'est que avant l'économie était au service de la société, c'est-à-dire qu'on s'organisait pour que les gens, les hommes et les femmes, les enfants aient de quoi manger, se nourrir, se loger, etc. Ça faisait partie de l'économie. Les processus économiques servaient la société, les individus, les familles, alors qu'avec l'économie de marché, on a un peu inversé ça, c'est-à-dire que le travail est devenu une marchandise, la monnaie est devenue une marchandise, la nature, la terre, les ressources sont devenues des marchandises et la société est devenue au service de l'économie. C'est comme si on avait inversé les polarités, les priorités finalement. Et c'est ça la grande transformation d'ailleurs. C'est ça, exactement ça que ça veut dire, parce que le titre est un petit peu ambigu. On dit qu'un titre... C'est quoi la grande transformation? C'est un drôle de titre pour un livre d'histoire économique, mais pour lui, c'est un changement majeur dans l'histoire de l'humanité, parce que avant, c'était pas comme ça. M. Folco l'a très bien rappelé, là, avant les sociétés, et encore certaines sociétés aujourd'hui, sans doute, fonctionnent un peu avec toutes sortes de mécanismes pour produire et partager la richesse produite. Et évidemment, il dit que c'est une invention, que le marché tel que c'est, cette grande transformation-là, c'est d'avoir réussi à nous inculquer cette idée, à en faire comme une loi naturelle. D'ailleurs, on l'a dit plus souvent à l'émission ici, et d'écrire le marché comme étant « ça va de soi, on peut rien contre ça, il faut embarquer, il faut jouer le jeu ». Lui, il trouvait que, il le faisait d'ailleurs dans cette démonstration historique, c'est de nous montrer que de tout temps, ça fonctionnait différemment, ça fonctionnait. Et là, tout d'un coup, comme par magie, aujourd'hui, il faut croire ça comme étant une loi divine, c'est bien curieux. Ben oui, c'est le caractère révolutionnaire de son livre, parce que j'avoue que moi-même, pour moi, c'était très nouveau, parce qu'on a tellement lavé le cerveau avec ça, à l'effet que le marché, c'est quelque chose de tout à fait naturel, puis on a même traversé un peu la pensée d'Adam Smith pour y faire dire des affaires qu'il n'a peut-être pas dit ni écrit, dans le fond, à savoir que l'appât du gain, puis les mécanismes de marché, le prix, un prix pour chaque chose, c'est normal, c'est naturel, c'est quasiment une loi de Dieu, finalement. Ouais. On a tellement ça dans tête, on a tellement réussi à nous inculquer ça que c'est dans ce sens-là que le livre de Polanyi est un peu surprenant, est un peu étonnant. Au départ, on me demande d'être convaincu, mais c'est assez convaincant quand même. Oui, la plume aussi, elle l'est, évidemment. C'est sûr que les aspects, comme on disait tantôt, historiques, à un moment donné, tu tournes les pages, c'est un petit peu long, parce que tu vis pas non plus l'époque, donc c'est peut-être un peu moins... la flamme est moins vive que je présume qu'à l'époque où on pouvait le lire dans le passé. Mais néanmoins, quand il fait la critique sociale... de l'économie, c'est tranchant, c'est touchant, ça frappe. J'avoue, David, c'est vrai ce que tu dis, puis moi-même, je t'avais un peu mis en garde en disant la partie, parce qu'il reste écrit à la fin des années 30, lui, il avait encore peut-être frais à l'esprit la grande crise qui n'était pas tout à fait terminée, la Première Guerre mondiale, les crises, les graves crises économiques aussi, crises économiques avant celle de 1930, il y en a eu auparavant, mais moi... Plus qu'on avance dans l'île, plus qu'on se rend compte, mais on dit, mais les années 30, ça ressemble drôlement aux années 2015, 2018, ouais. 2020. Ça ressemble étrangement à ce qu'on vit présentement. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est qu'il fait une espèce, il y a un mécanisme un peu hégélien, c'est-à-dire un peu la dialectique qu'on applique en général à Karl Marx. Mais lui, sa dialectique est la suivante, c'est-à-dire que, avant, les sociétés fonctionnaient avec toutes sortes de mécanismes de partage de la richesse, de la distribution de la richesse. Il y avait le don, il y avait le réciproque. Il y avait des institutions. Sauf qu'au début des années du 19e siècle, les autorités britanniques ont décidé que ça va faire. Là, on a besoin, il faut mettre les travailleurs à leur place. Il faut que les travailleurs aient besoin de travailler s'ils veulent manger, s'ils veulent survivre. Fait qu'on a mis en place, puis on a mis en place un système de capitalisme assez dur, c'est-à-dire que vraiment maintenir les gens là, au minimum vital. Et ça, ça a suscité une contre-réaction. C'est là, il y a donc action. La contre-réaction, ça a été la montée du marxisme, des mouvements socialistes un peu partout en Europe à ce moment-là. Et donc, pendant tout le 19e siècle, ça a été le débat, entre la lutte pour la suprématie entre le capitalisme sauvage et des mouvements socialistes et communistes. Et le troisième temps de cette dialectique de Polanyi, c'est de dire, ben les deux, finalement, ils n'ont pas réussi à convaincre les masses. On n'a pas réussi à rien régler. Il y a eu des guerres, il y a eu des crises qui se sont succédées, notamment celle de 1930. Et là, le monde, en désespoir de cause, le peuple s'est tourné vers des forces autoritaires, des dictatures. Populistes, nativistes, c'est... protectionnistes. Ça sonne actuel, hein? C'est des choses qui... fait que lui, la grande conclusion qui se dégage, moi qui m'a beaucoup frappé, c'est que Polanyi a dit, là, le capitalisme sauvage, ça amène fatalement vers le fascisme. En tout cas, à l'époque, dans le vocabulaire, c'était le fascisme. Oui, oui. Aujourd'hui, on va parler plus de protectionnisme puis d'autoritarisme, de choses de ce genre-là. Effectivement. Non, c'est vraiment troublant. Quand je vous dis, quand on lit ça, c'est vraiment troublant de le lire parce que ce dont il se méfiait, ce qu'il pointait du doigt, on le vit aujourd'hui. Je veux juste faire un petit bout de citation avant qu'on enchaîne avec la partie suivante, si tu me permets, avant de tomber sur la subsistance de l'homme. Je tire un court extrait tiré d'un texte d'une sociologue qui s'appelle Annie Cloutier. Que je connais bien. C'était très intéressant comme résumé, ce que tu me fournis. Mais il y a une citation que je veux tirer là-dedans qui est vraiment passionnante. Ça vient de Paul Annie. Il dit, par rapport au travail, pour lui, là, le travail, une marchandise, quand il dit que ça passe pas, voici comment il le décrit. Mais le travail n'est rien d'autre que ces êtres humains eux-mêmes, dont chaque société est faite, et la terre que le milieu naturel dans lequel chaque société existe. Les inclure dans le mécanisme du marché, c'est subordonner aux lois du marché la substance de la société elle-même. Car la prétendue marchandise qui a nom « force de travail » ne peut être bousculé, employé à tort et à travers, ou même laissé inutilisé sans que soit également affecté l'individu humain qui se trouve être le porteur de cette marchandise particulière. En disposant de la force de travail d'un homme, le système disposerait d'ailleurs de l'entité physique, psychologique et morale homme qui s'attache à cette force. Hein? Okay, bien dit. Écoute, c'est fort bien dit. Quand on dit qu'on peut parler d'économie de travail puis ramener ça à l'humain, à la société, à la psychologie, à l'âme profonde de l'homme, c'est ce que réussit à faire Paul Annie. Ce qu'il a fait dans son livre La Grande Transformation, mais ce qu'il fait aussi dans le livre qui s'appelle La Subsistance de l'homme. Oui, encore un titre un peu mystérieux. Effectivement, Subsistance de l'homme, d'accord. Et qu'en est-il pour celui-là? Là, il y a l'aspect historique qui est très fort aussi là-dedans. Là. Ben, disons que c'est un recueil posthume d'abord qui est un peu moins facile à lire que La Grande Transformation, parce que c'est un recueil d'écrits un peu divers qui ont été ramenés ensemble à la suite de son décès là, par certains de ses admirateurs. Mais là, le fond, dans La Grande Transformation, il se préoccupait plus du 19e siècle, de la montée du marché, alors que là, il s'intéresse plus aux sociétés antiques et aux sociétés primitives, notamment des sociétés en Afrique ou dans l'Antiquité, en Grèce, en Mésopotamie. Puis là, il arrive toujours à la même conclusion, c'est-à-dire que le marché, c'est un mécanisme de production et de répartition de l'économie parmi d'autres. Et il donne des exemples. Moi ça m'a beaucoup frappé là-dedans. En Antiquité, il y avait une tradition d'annulation des dettes. C'est fascinant, là. Quand on parle de la dette, quand on pense qu'on est prêt avec ça à tout jamais, il y avait une vision différente dans le passé. Ben, il donne l'exemple, entre autres, de la Mésopotamie. En fait, aujourd'hui, c'est l'Irak. Dans l'époque, ça s'appelait la Mésopotamie. Puis ça, les Juifs, enfin les Hébreux à l'époque, ont repris ça de la Mésopotamie. On trouve ça dans la Bible, on trouve ça dans des livres de la Bible qui consiste à dire, au bout de X années, puis dans la Bible, c'est 50 ans, on annule les dettes. C'est la Grèce aurait été heureuse qu'on annule sa dette en 2010. Mais tu retrouves ça également, tu trouves ce genre de mentalité-là, même dans le Nouveau Testament, chez les chrétiens, dans les Actes des apôtres, tu retrouves ça. Les apôtres, au début, leur façon de travailler, leur façon de vivre ensemble, c'est un partage des biens de tout le monde. Donc, une espèce de communisme avant l'heure. Mais on voit que un auteur qu'on a cité ici, M. Actouf de l'École des hautes études commerciales, dans son livre, il mentionnait que dans l'islam aussi, tu retrouves ça, l'obligation du don et de la redistribution périodique. C'est-à-dire toutes les grandes traditions philosophiques ou religieuses ou institutionnelles avaient cette idée que c'est pas bon d'accumuler des dettes, de conserver les dettes actives trop longtemps parce que ça décourage, ça démotive tout le monde finalement. Donc, il faut permettre aux gens d'avoir un nouveau départ finalement et d'annuler leurs dettes et en ce qui concerne les revenus, de les partager. On est vraiment... Les temps changent, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Ben, ça montre encore une fois que Paul Annie avait quand même un regard qui est intéressant parce que c'est un regard très différent sur l'histoire des sociétés, sur la façon dont l'économie doit fonctionner. Très bien. Jean-Claude, on fait une courte pause. Au retour, on poursuit la discussion. Restez là. C'est l'émission Éconophile qui se poursuit à CKRL 89.1 avec David Lemieux au micro. La collaboration de l'économiste Jean-Claude Cloutier. Notre invité est Jonathan Durand-Folco. On parle de l'extraordinaire Karl Polanyi, de sa pensée et sa troublante actualité. Si tu veux, Jean-Claude, peut-être qu'on pourrait y aller tout de suite avec la deuxième partie de l'entrevue avec Jonathan, puisque dans celle-là, il va nous parler de ce qu'on peut justement actualiser, là, actualiser Polanyi et se rendre compte que oui, ça se prête tout à fait à l'analyse de la situation actuelle. On va même parler de Uber. Hein? Uber là-dedans? Oui, oui, il y a un lien, vous allez voir dans quelques instants. Pourquoi il redevient, si on veut, populaire? Parce que ce qu'on décrit plus tantôt, il s'est produit, dans le fond, beaucoup ce qu'il craignait. Le plus grand de ses livres, qui est le plus connu, le plus lu, qui s'appelle « La grande transformation », il a été publié en 1944, donc juste vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et lui essaie d'expliquer comment ça se fait qu'on a assisté à cette grande guerre, en fait, à cette forme d'instabilité générale politique, la montée du socialisme d'un côté, des formes d'extrême droite, les nazis, et ainsi de suite, de l'autre. Et cette utopie-là libérale d'économie de marché qui était supposé amener la prospérité, comment ça se fait que ça s'est effondré avec la crise économique de 1929 et comment ça aboutit à des grandes guerres. Donc, se poser des questions, c'était très centré dans le contexte. Mais pourquoi est-ce qu'on assiste à son retour aujourd'hui? C'est qu'on assistait en quelque sorte à une forme de retour de la grande transformation avec, en quelque sorte, qui est avec la mondialisation, une forme justement des grandes firmes multinationales qui imposent leurs lois à différents endroits, avec le néolibéralisme, et avec, en quelque sorte, la vision du libre-échange comme étant une forme qui est essentielle, naturelle ou ainsi de suite, on a vu que ça a amené à la crise économique de 2007. Et là, on s'est mis à se poser des questions. Est-ce que c'est le seul système économique possible? Est-ce qu'il existe des alternatives? Et pourquoi on a abouti à ça? Et là, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à relire Karl Polanyi, qui l'avaient lu. Mais là, on s'est mis à lire cet auteur-là, à côté de Marx, entre autres. Mais il y a des différences entre les deux. Puis la pensée de Polanyi, ne va pas dire, par exemple, qu'il faut abolir le capitalisme du jour au lendemain par la révolution armée. Il ne va pas préconiser ça, mais il va dire en quelque sorte qu'il faut imaginer des façons de réencastrer l'économie dans la société, c'est-à-dire en quelque sorte de réguler démocratiquement notre économie, d'introduire des formes de redistribution de la richesse, d'introduire, par exemple, des coopératives, l'économie sociale. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu de l'économie sociale, des coops qui lisent encore la pensée de Polanyi puis qui trouvent que c'est une source d'inspiration pour penser pas un système alternatif basé sur la centralisation du pouvoir dans les mains du gouvernement, de l'État, mais plutôt une forme de démocratie économique dans laquelle les marchés seraient en quelque sorte régulés par des institutions, par le contrôle des individus, des citoyens. Donc, c'est une pensée qui est très riche, qui est très intéressante pour à la fois comprendre les causes de la crise économique auxquelles on a fait face, mais aussi voir quelles sont les alternatives qu'on pourrait trouver et quelle forme de système économique on pourrait avoir qui serait différente du néolibéralisme. Vous l'avez exposé vous-même, d'ailleurs, dans un texte qui est paru dans Le Devoir, Polanyi contre Uber. Ça exprime tout à fait ce que vous dites depuis tantôt. Si vous pouviez nous résumer un peu la chose, en quoi Polanyi peut s'insérer dans le dossier d'Uber? En fait, c'est quelque chose de très intéressant. D'une part, pour montrer, dans la grande transformation, ce qu'il décrit, c'est au 19e siècle, avec la révolution industrielle, il y avait un processus de marchandisation du travail, de précarisation des conditions de travail des gens, ce qu'on appelait la prolétarisation. Les gens étaient extrêmement pauvres, précaires, ou ainsi de suite. Et là, ce qu'on a assisté par la suite, c'est une série de ce que lui appelle une forme de contre-mouvement, soit de protestation, de normes, de nouvelles lois, par exemple, pour réduire la journée de travail, pour imposer le salaire minimum, pour donner des conditions ouvrières. Donc lui, comment il voit l'histoire économique, c'est deux grands processus. D'un côté, un processus de marchandisation et de l'autre, un processus de protection de la société par des règles et normes pour permettre aux gens d'assurer leurs conditions de vie et de pouvoir vivre de façon digne. Et là, ce qu'on assiste actuellement avec l'émergence de ce qu'on appelle l'économie collaborative, c'est un nouveau processus de marchandisation qui fait en sorte que, par exemple, nos chambres d'appartement, que ce soit le transport automobile ou ainsi de suite, on peut louer des espaces à la pièce, les vendre en quelque sorte sur une plateforme numérique Et ça permet en quelque sorte d'introduire toute une série de choses dans cette économie, enfin une économie de marché, qui a l'air assez égalitaire, assez ouverte, ou ainsi de suite. Mais on se rend compte que ça crée, ça déstructure beaucoup de choses. L'industrie du taxi est en difficulté. La spéculation immobilière dans les grandes villes explose avec l'émergence de Airbnb. Donc, ça amène en quelque sorte à la fois des problèmes, des gens qui contestent, qui disent qu'il faudrait trouver autre chose. Et puis, ce qu'on peut comprendre avec la pensée de Polanyi, c'est que l'économie collaborative repose sur deux grands éléments. D'une part, la coopération, l'entraide, la collaboration, la réciprocité. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste un principe d'hospitalité parce qu'il y a aussi un processus d'échange marchand qui fait en sorte que, par exemple, le profit de Uber, des grandes plateformes numériques est accaparé par une minorité d'élite financière, il est placé dans des paradis fiscaux. Donc, c'est pas une belle économie de l'échange, de la réciprocité du don contre don. C'est vraiment une économie qui est à la fois marchande et qui cause des problèmes. Donc, je pense que la pensée de Polanyi est capable de montrer en quelque sorte que c'est pas tout rose. Il y a certains avantages, mais il y a aussi des problèmes. Et ça explique pourquoi il y a des gens qui critiquent Uber, qui essaient de proposer des alternatives. Puis, ultimement, que moi, je crois que Polanyi, s'il était vivant aujourd'hui, proposerait, ça serait en quelque sorte de transformer ces plateformes numériques en coopératives pour que les gens puissent coopérer vraiment entre eux et que tous les bénéfices qui sont faits à cette plateforme soient redistribués de façon plus équitable entre les différents membres. Donc, cette idée-là ici, que l'affaire, c'est qu'il ne faut pas nécessairement abolir ces plateformes-là puis dire qu'il faut retourner en arrière, mais plutôt qu'il faudrait envisager des façons de démocratiser cette nouvelle économie qui est en train d'émerger à travers la technologie numérique, l'Internet et ainsi de suite. Oui, que vous citez d'ailleurs un économiste en parlant de prédation, hein, l'économie de prédation au lieu de collaboration. Prédation, oui. C'est ça, elle se prétend ouverte, collaborative, mais dans le fond, si on regarde Uber, ce qu'ils font, ils font beaucoup de lobbying, des campagnes agressives, ils ne respectent pas les lois. Donc, une forme de prédation des différentes ressources pour essayer de se positionner en acteur dominant sur les marchés boursiers pour apparaître comme étant la compagnie la plus forte. Donc, on voit qu'il y a des formes de contradiction, d'une apparence de collaboration, de partenariat d'un côté, mais au fond, on voit que c'est une grande firme, une grande compagnie, une grande corporation qui agit un peu comme les autres pour essayer de maximiser ses profits. Après le greenwashing, le social washing. C'est ça, exactement. C'est un peu ça. En terminant, donc, 2018, qu'est-ce qu'on garde de Polanyi? Parce qu'il me semble presque plus actuel qu'à l'époque où il écrivait. Qu'est-ce qu'on garde? En fait, il faut le relire. La grande transformation, c'est un ouvrage qui est important, qui est peut-être pas la plus accessible au monde, mais qui est écrit dans un langage qui est assez clair, assez descriptif, ancré dans l'histoire. C'est un ouvrage qui est très dense, très riche, qui va dans différentes directions. Je crois qu'il faut aller relire sa pensée et aller lire aussi ses différents articles où il a parfois abordé la question quel serait un système économique alternatif. Donc ça, c'est des écrits de Polanyi qui commencent à être réédités depuis 5 ans environ, ça fait pas très longtemps. Mais de plus en plus, on retrouve des vieux articles de Polanyi qui a des intuitions très intéressantes sur à quoi ressemblerait une forme de démocratie économique, comment ça pourrait avoir l'air, puis ça, peut-être, ça pourrait donner des pistes pour amener des réformes, des transformations, des propositions, des projets, pour essayer de faire en sorte que, dès maintenant, à partir de la société actuelle, on serait capable de progresser vers peut-être un au-delà du système économique capitaliste. Donc, je pense qu'il y a de beaucoup d'intuitions, des choses intéressantes dans son œuvre, il faut aller voir, puis après ça, essayer de faire des liens avec notre époque actuelle, puis essayer de remettre ça en perspective avec plusieurs autres livres et auteurs qui existent à notre époque. Donc c'est peut-être ce que je pourrais dire aux gens. Une grande transformation, mais dans une direction différente, finalement. Différente, oui, c'est ça. Vers plus de justice, de préservation des écosystèmes, d'égalité, de coopération. Voilà pour cette conversation intéressante avec Jonathan Durand-Folco. Très intéressant. Et tu as sûrement des choses à dire. Je te vois le visage, Jean-Claude. Oui, bien, j'ai bien aimé effectivement le parallèle fait que M. Durand-Folco faisait avec Uber. Oui. C'est vrai, dans le fond, quand on y pense que Uber ou Airbnb, des choses comme ça, des façons d'aller individualiser finalement chaque travailleur, chaque propriétaire d'immeuble. Le fragiliser, puis l'atomiser, l'individualiser, le séparer finalement de la communauté. Il devient un agent individuel finalement dans l'économie. Oui. Peut-être sur... moi, c'est drôle, peut-être un petit peu différemment de M. Folco, moi, ce que je retiens le plus, mais je pense que c'est assez semblable à ce que toi, tu as retenu aussi, David, c'est que je retiens de Polanyi, moi, c'est cette espèce de mouvement à trois temps, là, c'est-à-dire qu'on on rappelle que dans la grande transformation, ce que je rappelais tantôt, ce que je mentionnais, c'est qu'il y a eu trois temps, montée du capitalisme sauvage, réaction de, finalement des gouvernements, puis des syndicats, puis de... vers des approches de protection sociale, finalement, et suite à des crises, finalement, ça pas que ça fonctionne pas, on réussit pas à trouver un équilibre, arrivée de dictateurs, arrivée de gouvernements forts, arrivée de gouvernements protectionnistes, nativistes, nationalistes, etc. Alors, ouais. le même cycle à trois temps, si on peut dire, que Polanyi avait observé au 19e siècle, au début, jusque dans les années 30-40, on l'a retrouvé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on a eu, on a connu une ère qu'on pourrait qualifier de polynienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Le crédit n'a jamais été donné à Polanyi, le crédit est tout est donné à 15, mais il reste qu'après la guerre, parce qu'on ne voulait pas tomber dans des dictatures, comme ça avait été le cas dans les années 30, qui avait mené à la Deuxième Guerre mondiale, puis parce qu'on avait peur du communisme aussi, parce qu'il faut se rappeler qu'à la fin, au tournant des années 50, la Chine était devenue communiste, l'Union soviétique l'était déjà, le Vietnam menaçait de devenir communiste, etc. On avait peur du communisme, donc les gouvernements étaient beaucoup plus généreux. Ils ont accepté de réduire les inégalités. Rappelons que jusqu'en 1960, le taux marginal d'imposition aux États-Unis était de 91%, alors que Trump trouve que c'est épouvantable quand c'est 25% aujourd'hui. C'est autre temps, autre mœurs. Donc, mais... on a eu une ère polynienne, ça que je voulais dire, oui. Mais ça a été renversé avec les néolibéraux. Puis rappelons-nous une chose, une phrase extrêmement significative, la phrase la plus connue de Mme Thatcher, c'est « There's no such thing as a society oui. ». C'est exactement anti-Polanyi. C'est-à-dire, Mme Thatcher ne reconnaissait pas que la société existe, nous sommes un amas d'individus. Ouais, un agrégat d'individus, that's it, ou de numéros d'assurance sociale, puis encore. Effectivement, puis d'ailleurs, de nombreux, de plus en plus, des gens, des historiens, économistes ou autres, parlent du fait que probablement, en fait, sans aucun doute, la montée du communisme, socialisme, l'URSS et tout ça a forcé la main et disparaissant, en 91, et cette tension-là disparaissant, on se sentait plus obligé. On se sent plus. Il n'y a plus de pression derrière. Il n'y a personne qui souffle dans le dos pour dire qu'il faut, revoir ses comportements, si bien qu'on est débridé aujourd'hui. Là. Ben on croyait, puis le troisième temps, justement, survenait à peu près à partir de ces années-là, à partir du néolibéralisme, encore plus après la chute du mur, 1989, 90, oui. 91, la fin de l'URSS. Moi, je me rappelle encore des discours, la mentalité de Clinton, des États-Unis en général, mais surtout les discours de Clinton, on disait, on faisait une équation entre le capitalisme et la liberté, ou la démocratie, ce qu'on appelait la démocratie, puis on disait, c'est le triomphe, c'est la fin de l'histoire, on rentre dans un âge d'or, mais c'est exactement le contraire que produit, c'est-à-dire que Polanyi a eu raison, c'est-à-dire que la crise de 2008 et la montée des inégalités fait prendre conscience à bien du monde, à des politiciens populistes, que les affaires qui ne marchaient pas, les inégalités s'accroissaient, l'économie avait planté en 2008, a eu de la misère à reprendre son souffle à partir de ces années-là. La sortie de la récession de 2008, de 2009, a été très, très longue. On n'est pas sûr d'en être encore sorti aujourd'hui. Ça a ouvert la porte. Ça, c'est encore un mécanisme polynien. C'est le troisième temps du mécanisme polynien. Ça a ouvert la porte aux hommes forts, aux femmes fortes peut-être dans certains cas. En tout cas, on appelle pas ça des dictatures aujourd'hui, on appelle ça des gouvernements qui prennent des libertés par rapport aux mécanismes démocratiques, par rapport aux institutions démocratiques, qui se disent, ben là, des immigrés, on en a peut-être un peu trop, il faudrait donner davantage d'oxygène à nos bons hommes d'affaires, il faudrait abolir la réglementation, il y en a trop, il faudrait mettre des tarifs douaniers pour protéger les travailleurs locaux, et les gens se font élire sous ce genre de plateforme politique-là. C'est ce que Polanyi avait noté dans les années 30-35. Selon lui, c'est ça à quoi menait l'économie de marché, ultimement, quand on n'avait pas des contrepoids suffisants. La question est tout à fait pertinente. D'ailleurs, tu m'as envoyé aussi un article du New Yorker qui s'appelle « Est-ce que le capitalisme est une menace à la démocratie? » La question se pose dans cet axe polanien parce que, effectivement, notamment, tu sais, quand on vient obsédé par et la dette, par la cote de crédit, quand on se dit « Ah, écoutez, les gens, je comprends que vous vouliez des mesures, mais... pour l'instant, on peut pas, le marché veut pas, les agences veulent pas, c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. » C'est là où il y a où on vraiment on désencastre, là. C'est vraiment là où il y a une perte de démocratie, où la démocratie devient secondaire face à ses intérêts, à ses objectifs qui sont exclusivement économiques, financiers, même boursiers dans certains cas, là. Ben c'est ça, oui, exactement. Puis c'est encore une fois, c'est un peu l'exaspération des masses qui ont l'impression de s'être fait flouer par le système, qui ont l'impression que l'économie ne fonctionne pas pour eux autres. Puis regarde, tu mentionnes justement cet article-là récemment. Il y a un économiste, je vais donner deux autres exemples. D'abord, Piketty, qu'on cite souvent à cette émission aussi. Moi, je pense que Piketty il est reconnu comme aujourd'hui comme étant un des économistes des cinq dernières années qui a été le plus influent, parce que Piketty a fait prendre conscience qu'on se dirigeait, on avait accru de façon très importante les inégalités de revenus et de fortune. Selon Piketty, on a atteint des degrés d'inégalité qu'on n'avait pas connus depuis 100 ans, c'est-à-dire depuis le début du 20e siècle. C'est précisément la situation qu'avait noté Polanyi 75 ans avant Piketty. Un autre exemple, Dan Roderick, que je cite à l'occasion aussi, qui est un économiste de Harvard, très, très réputé. Lui, il a également sorti un titre d'article sur Project Syndicate, que j'aime beaucoup. C'est très polonien comme titre. C'est « Globalization has contributed to tearing societies apart ». C'est-à-dire, la mondialisation a contribué à mettre en pièces des sociétés. C'est exactement un constat de type polonien. Ah, que Thatcher serait heureuse, là! Écoute, elle serait de bonne humeur. Je veux juste reciter, ne serait-ce que pour résumer un peu le tout, là, cette citation qu'on peut tirer de Polanyi, qui, dans le fond, le dit bien, là, « Au lieu que l'économie soit encastrée dans les relations sociales, ce sont les relations sociales qui sont encastrées dans le système économique. » Ça dit tout, ça résume bien ce qu'il percevait et ce que l'on vit malheureusement. Dans les notes que tu m'as laissées, Jean-Claude, tu parlais aujourd'hui, la lutte à l'inflation est l'équivalent de ce qu'était l'étalon or. Qu'est-ce que tu voulais me dire par rapport à ça? Bien, c'est-à-dire que Polanyi, lui, c'est ce qu'il appelait la marchandisation de la monnaie. Il a parlé de marchandisation du travail, des ressources. Puis là, il y avait un lien qu'on pourrait faire aujourd'hui avec le développement durable, mais également de la monnaie. Puis ce qu'il a dit à l'époque, on contrôlait l'étalon or, c'était une façon de contrôler, dans le fond, les dépenses des gouvernements. En rétablissement, l'étalon or, dans les années 20, les pays développés, notamment sous l'égide du Royaume-Uni, voulaient faire en sorte que les gouvernements remboursent leurs dettes. Parce que pour éviter, dans le fond, que les gouvernements soient trop généreux et trop de programmes sociaux, on voulait s'assurer qu'ils remboursent leurs dettes. Donc, c'est une façon à l'époque de Polanyi. Aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé d'autres mécanismes pour mettre les gouvernements à la disposition. C'est notamment le financement de la dette qui est aujourd'hui une façon de juguler les tendances peut-être trop généreuses que pourraient avoir les gouvernements face pour combattre la misère. Ah oui, hein? Il ne faut surtout pas. mot de la fin là-dessus sur Polanyi, c'est pas mal ça? Moi, Polanyi, c'est encore une fois, moi je pense que Polanyi, il renoue avec une tendance qu'on a chez les économistes qu'on a perdu avec le temps, avec la mathématisation de l'économie. C'est le retour à l'économie politique, montrer dans le fond qu'entre la compréhension des mécanismes politiques puis la réflexion sur l'économie, il y a une équivalence qui doit être faite, il y a des liens qui peuvent être faits et qui sont importants. Donc, c'est le retour à l'économie politique, ce qui, pour moi, est une bonne chose. Oui, moi, je retiendrai que c'est quelqu'un qui est capable, en tout cas, c'est sûr que, honnêtement, je le dis, là, ça m'a frappé, la lecture de Polanyi, son côté visionnaire indéniable, c'est sa capacité à faire de l'économie quelque chose qui peut être noble et humain. C'est fascinant. Encore, bravo. Exactement. Merci. Petite pause, on revient dans quelques secondes. Ah, Passionnant ce bout-là, passionnant. Maintenant, Jean-Claude, l'actualité, c'est passionnant plus ou moins, ça dépend des sujets, mais en tout cas, le premier dont on va traiter, c'est les Québécois ont versé 2,5 milliards en trop à Hydro-Québec, dit la vérificatrice générale, c'était attendu d'ailleurs ces rapports. Les Québécois ont payé 2,5 milliards en trop en achetant de l'énergie alternative telle que l'éolien plutôt que celle provenant des grands barrages hydroélectriques, conclut la vérificatrice. Les gouvernements Charest et Marois ont adopté successivement plusieurs décrets visant l'approvisionnement d'électricité provenant de sources telles que l'éolien, la biomasse ou de petites centrales. Ces décrets ont mené à la signature de contrats fermes, c'est ça l'intérêt, qui restent intouchables aujourd'hui, même si Hydro n'a pas besoin de cette électricité, explique la vérificatrice. L'impact, c'est que qui vous est présenté dans le rapport, c'est que 2,5 milliards d'achats d'électricité, de coûts supplémentaires liés au fait qu'on a acheté ces blocs d'électricité post-patrimoniale plutôt que l'électricité patrimoniale qui est trois fois moins chère. Puis ça, ben, on l'a récupéré dans les tarifs. C'était quelque chose, ça. Bien, tout le monde a payé, finalement. C'est ça que la vérificatrice générale, oui. tous les Québécois ont payé un peu pour le développement de l'industrie éolienne, notamment dans des régions, notamment en Gaspésie, qu'on en établit, mais pas seulement en Gaspésie, un peu partout dans les campagnes au Québec. Moi, j'avoue que j'étais même beaucoup critique de cette approche du gouvernement, parce que je me disais, dans le fond, c'est le politique qui l'emporte sur l'économique, mais je me suis rendu compte en préparant l'émission d'aujourd'hui que c'était un mécanisme tout à fait polanien. C'est-à-dire, Polanyi, oui. Il aurait été d'accord avec ça, on va laisser tomber de côté la rentabilité des tarifs d'électricité. C'est vrai que ça coûterait moins cher si on ne s'approvisionnait pas avec des éoliennes, mais les éoliennes, ça a l'avantage de créer des emplois peut-être dans la région de Rivière-du-Loup, peut-être en Gaspésie, peut-être dans le coin de Tetford-Mine, un peu partout au Québec. Donc, ça vaut peut-être la peine de laisser le marché de côté un petit peu, puis de penser plus à la survie des communautés. Oui, il y a des revenus de l'éolien, notamment dans le Bas-Saint-Laurent, c'est un fait, là, puis ça rend de fiers services quand c'est le temps de présenter le budget, je peux le dire. Mais on présentait la nouvelle pas en disant qu'on était nécessairement en compte, mais que c'était fascinant de mettre le doigt sur cet élément-là. Autre élément digne d'intérêt, à moins que ta TV ait terminé ce bout-là? Ou... J'en avais un autre élément d'intérêt, vas-y. Mais vas-y avec le tien. Rapport toujours de la vérificatrice générale, évidemment, elle a parlé beaucoup de la santé. Hein. Le coût moyen d'une chirurgie qui a bondi de 20% en 5 ans, constate-t-on à la lecture du rapport de la vérificatrice. Elle dit quelques 635 000 chirurgies ont été effectuées en 2015-2016. Il s'agit d'une hausse de 5,5%. Vous dites, OK, parfait, 5,5%. En contrepartie, la rémunération des médecins spécialistes s'élevait à 1,7 milliard. Il s'agit d'une hausse de 35,2, ce qui a fait dire, évidemment, la preuve est faite que par la vérificatrice générale, donner plus d'argent aux médecins, la recette du ministre actuel n'a pas donné de soins aux patients au Québec, a lancé la porte-parole d'opposition, Diane Lamarre. Et puis, on a aussi parlé du fait que, la vérificatrice jette le doute sur la crédibilité des statistiques sur les délais d'attente en vue d'une chirurgie. Celle-ci repose, dit-elle, sur des données jugées pas fiable. Autrement dit, les patients québécois attendent plus longtemps pour une chirurgie que ce qu'indiquent les centres hospitaliers, semble-t-il. Encore là, autre dossier qui a fait bondir, hein? Comme quoi. Oui. Autre chose, toi, là-dessus? Ben, j'avais quelque chose dans l'actualité de demain, c'est-à-dire demain, c'est la fête des mères. Oui, accent grave R.E., là. Oui, absolument. Les élections municipales, c'est à l'automne. Oui, c'est ça. Mais il fait un lien entre l'actualité de demain et celle d'hier, parce qu'il y a une étude qui est sortie, qui a été rapportée par différents médias et par le Globe and Mail, une étude américaine qui faisait un lien entre la grossesse, en fait, la maternité éventuelle, et la croissance économique. On a cru se rendre compte que la grossesse, quand les femmes tombent davantage enceintes que c'est le cas normalement, c'est comme un prédicteur que ça va aller bien pour l'économie. On ne sait pas trop quoi exactement comment, c'est quoi le mécanisme là, intuitif que les femmes ont, mais pour prévoir un peu comment l'économie va se comporter. Mais il y a un lien en tout cas à faire. Les économistes n'ont pas encore expliqué, mais il y a un lien à faire entre la maternité et la croissance. Ah, c'est, ben oui, dans tous les sens du mot d'ailleurs. Dans tous les sens. Puis je termine ce bloc d'actualité par quelque chose que je n'ai pas eu le temps de traiter la semaine dernière, mais quand j'ai vu ça passer, j'ai fait « Ah, tiens donc! Hein? » La justice s'interroge sur le rôle des actionnaires de Lafarge dans le cadre de l'enquête sur les activités syriennes du groupe, et dans les rangs de la direction apparaît une grande fortune canadienne, n'est-ce pas? Sept cadres du cimentier français Lafarge ont été mis en examen depuis l'ouverture de l'enquête sur des soupçons de financement de groupes terroristes en Syrie. C'est dans ces circonstances qu'apparaît l'homme d'affaires québécois Paul Desmarais Junior, puisqu'il représente GBL au conseil d'administration du cimentier. S'est défendu là-dessus d'ailleurs hier. Il disait que non, attendez, le CA ne savait pas, dit Paul Desmarais fils. C'est par l'entremise des médias que le conseil d'administration de Lafarge a pris connaissance du comportement de l'entreprise en Syrie, a répété Paul Desmarais, dit-il. Il dit dit, les juges ont leur travail à faire, c'est bien correct, mais toutes les questions que vous posez, on se les pose aussi. Ben, j'avoue que je m'en suis posé. Puis on en a parlé de temps en temps ici à l'émission en disant, ces grandes fortunes, ces grands mouvements de capitaux, c'est toutes ces décisions qui s'y prennent, qui ont l'air d'être en dehors aussi, il y a des impacts qui sont concrets, c'en est un. La question se pose. Jean-Claude, maintenant, question de la semaine pour finir. Bien, la question de la semaine, je rappelle, c'était où se situe le rang, quel est le rang du Canada parmi les pays développés dans ce qui a trait à la part d'investissement privé dans la production, dans le PIB. Et en fait, c'est un texte, c'est une étude du Fraser, qu'on cite pas, Fraser Institute, qu'on ne cite pas souvent ici, ouais, mais basé sur des données de l'OCDE, qui est une espèce de club des pays les plus avancés. Ils ont des données sur 17 pays. On n'a pas le, il y a 35 pays dans l'OCDE, mais on a trouvé des données sur 17 pays. Le Canada arrive au 16e rang. C'est quand même, moi, je trouve ça très... Parce qu'on blâme souvent les Québécois de ne pas être assez productifs ou les Canadiens de toutes sortes de mots, mais l'entreprise privée au Canada est au 16e rang sur 17 pour ce qui est d'investir dans l'économie. Et ça, c'est en 2015-2017. C'était pas mieux en 2000-2008. Il est à 15e. Le pays qui investit le plus parmi les 17 pays en question, c'est la Corée. La Corée est au premier rang, était au premier rang il y a 5 ans, était au premier rang il y a 10 ans. Les autres, ils n'ont pas peur d'investir dans l'économie. Ceux qui investissent le moins, tu, en fait, le Canada est 16e sur 17. Le cancre absolu, c'est le Royaume-Uni. C'est quand même surprenant. Le pays qui a inventé le Mon capitalisme, Dieu, ben c'est oui. celui qui investit le moins aujourd'hui. Le pays de la cité à Londres. Eh ben, j'aimerais citer deux autres exemples là-dessus. Pas deux autres oui. données, c'est-à-dire le Canada est au 15e rang pour l'investissement privé par travailleur. Ça, c'est très, très important parce qu'on peut pas. C'est bien beau de blâmer les travailleurs canadiens, leur dire qu'ils ne sont pas productifs, mais s'ils n'ont pas des machines pour être productifs, c'est bien difficile de performer. Dans cette émission sur effectivement sur la croissance, c'est ce qu'on expliquait. Tu peux bien vouloir bien des choses, mais si en plus, en parallèle, il n'y a pas d'investissement, ça ne fonctionne pas. Mmh. Merci Jean-Claude. Mmh. Alors, c'est ce qui termine notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup, Jean-Claude Cloutier, pour la collaboration, la recherche. Merci à notre invité, Jonathan Durand-Folco. Très, très intéressant. La semaine prochaine, on va parler du G7, n'est-ce pas? Oui, bien, en fait, c'est l'État. Donc, on va prendre le prétexte du G7 pour parler du rôle de l'État dans l'économie. Tout à fait. Donc, et c'est en lien à peu près avec ce qu'on vient de dire, sauf de l'autre côté. Donc, bonne semaine. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à écouter en balado, visiter econophile.net. Merci beaucoup. À bientôt.